nuit de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Impressionnant. C'est peut-être le qualificatif qui vient le plus spontanément quand il s'agit d'évoquer l'immortel interprète de Gilles dans Les Visiteurs du Soir. De Frollo dans Notre-Dame de Paris, de Stenner dans La Dolce Vita. Impressionnant Alain Cuny, monument de l'histoire du théâtre français durant plus d'un demi-siècle, qui disait cependant « Si j'étais un homme dans l'idée que je me fais de l'être, alors je ne serais pas comédien ». À quoi tenaient donc la force et le mystère qui émanaient naturellement de lui, de rôle en rôle, sur scène ou à l'écran? La clé du mystère Cuny, mais aussi de sa force, on peut peut-être la trouver dans une série de 5 entretiens qu'il accordait à son ami Fernand Schulman en 1975 sur France Culture. Des entretiens dans lesquels le comédien se racontait comme il le fit sans doute rarement devant un micro. Le premier numéro de la série, en particulier, laissait découvrir aux auditeurs une histoire familiale dont le poids aura douloureusement pesé sur l'enfance et l'existence entière de celui que Claudel voyait comme une cathédrale vivante. Une émission qui s'ouvrait d'ailleurs comme un mystère sur des mots de Claudel par la voix d'Alain Cuny. On y découvrait le don précoce du comédien pour le dessin, la peinture et très jeune aussi sa découverte de la psychanalyse avec la rencontre de René Laforgue. Entretien avec Alain Cuny, premier volet d'une série de 5, diffusé la première fois le 5 janvier 1976 sur France Culture. La cloche bouddhique qui répète inlassablement « Ré dièse, ré dièse, ré dièse, non, non, non, à toutes les amours et à toutes les vanités de ce monde. » Alain Cuny s'entretient avec Fernand Schulman. Premier propos. Alain Cuny, tu m'as dit un jour, ce qui m'intéresse, c'est d'aller au fond des choses éprouvées et vécues. C'est précisément ce vécu et ce qu'il a contribué à faire de toi que je souhaiterais voir révélé aux auditeurs. Tu es né à Saint-Malo, n'est-ce pas ? Oui, je suis né à Saint-Malo, mais puisque tu me demandes ce qu'a bien pu faire de moi le vécu, comme tu dis, et bien précisément ce vécu, je pourrais dire que je l'attends encore. Je suis, comme pour reprendre une expression de Gabriel Marcel, dans la douteuse faveur de survivre. Je veux dire que je tente encore, et avoir fait du théâtre, et même probablement avoir engagé toutes les actions diverses qui ont été les miennes jusqu'à maintenant, ça n'a en somme jamais été autre chose qu'un effort en vue de sortir d'un monde que, évidemment, je n'ai pas choisi, pas plus que n'importe quel autre enfant qui vient au monde, de sortir d'un monde qui m'a mal accueilli. Mal accueilli, qu'est-ce à dire ? Il m'a mal accueilli parce que je suis né dans des conditions extérieurement fausse, extérieurement truquée. C'est-à-dire que j'ai reçu un nom qui n'était pas le mien, qui m'a été donné par le mari de ma mère, qui a cru que j'étais son fils, alors que j'étais l'enfant d'un autre homme. Cela, au contraire, on pourrait dire que ce père nourricier m'a bien accueilli. Il m'a bien accueilli sans héroïsme, car lorsqu'il le faisait, il ne connaissait pas la vérité. Mais quand je prétends que je n'ai pas trouvé un berceau favorable, ce berceau balancé de droite à gauche, alors que les berceaux plus heureux balancent de la vie à la vie, de droite à gauche, mon berceau a été, on peut vraiment le dire, balancé de la vie à la mort. Vers ma troisième année, je crois, on a trouvé des lettres qui ont appris la vérité à la famille et à mon beau-père. J'ai donc été l'enfant d'un côté du désespoir de ma mère, qui lui a fait chercher une espérance, un espoir ailleurs que dans son foyer. Tu as, m'as-tu dit, quatre frères et sœurs. J'ai eu en effet quatre frères et sœurs, deux sœurs, deux filles et deux garçons, mais dont je ne suis par conséquent que le demi-frère, n'est-ce pas? Alors, quand tu parles en effet des conditions difficiles dans lesquelles j'ai été placé, étant très jeune, puisque la découverte de la liaison de ma mère a eu lieu lorsque j'avais 3 ans, j'ai appris, moi, beaucoup plus tard, par d'autres lettres que j'ai trouvées à mon tour, des lettres qui étaient alors celles de ma famille maternelle, en particulier des sœurs de ma mère, c'est-à-dire qui étaient mes tantes et qui écrivaient à leur mère, c'est-à-dire à ma grand-mère maternelle. Et ces lettres précisaient que des prêtres, des curés, des villages où vivaient ces tantes, célébraient des messes à la demande de ma famille, bien entendu, célébraient des messes pour que je meure, pour que cet enfant de la faute disparaisse, étant donné que, et ils n'avaient pas tort, étant donné que, selon leur morale et leur savoir-vivre, je ne pouvais être destiné qu'au malheur, étant né du malheur, et que mon bien-être, ma joie, serait au-delà, serait dans l'au-delà, serait donc dans la mort. Je n'ai pas su cela quand j'étais tout petit. Je l'ai su lorsque j'avais 17 ou 18 ans. Et c'est après cela qu'on t'a mis, je crois, quoiqu'ayant encore tes parents, dans un orphelinat que fréquentaient surtout des petits paysans. C'est cela. Tu avais 7 ou 8 ans, après, je crois, quand on t'a mis dans cet orphelinat, ce qui est assez aberrant. Mais enfin, mettre un enfant ayant ses parents dans un orphelinat, c'est éprouvant comme idée, non? Oui, mais tu sais que Jules Renard a fait dire à Poil de Carotte, tous les enfants n'ont pas la chance d'être orphelins. Bien sûr. Quelquefois, on est beaucoup mieux hors du foyer où l'enfant est né que dans la fournaise de ce foyer. J'ai en effet été d'abord confié à une vague cousine qui était la femme d'un notaire en Bretagne. Et puis, au bout de quelque temps, cette cousine m'a conduit dans un orphelinat des environs, qui était un orphelinat de petits paysans, peut-être même indigents. Et là, alors, j'ai passé 2 ans. C'est à ce moment-là que tu as fait ta première communion ? Oui, c'est là, en effet, que j'ai fait ma première communion privée. Où tu étais très croyant. Oui, j'étais en effet un enfant consciencieux Et... Pas révolté? Non, je n'étais pas révolté du tout. Je me souviens de la très grande paix, du très grand charme qu'avaient pour moi en particulier les offices du soir, c'est-à-dire le salut auquel on conduisait les petits-enfants dans la chapelle. Bien entendu, les conditions extérieures étaient réunies pour que je sois sensible à ces offices. La nuit tombait, la campagne était tout à fait silencieuse, les pas dans les couloirs pour arriver à la chapelle étaient très légers. Au loin, sur l'autel, les feuillages métalliques qui entouraient le tabernacle et qui étaient vermeils brillaient entre les cierges. Il y avait les prières, l'ostensoir. Et ensuite, sans doute allions-nous au réfectoire et dans le dortoir. J'étais donc un enfant heureux dans cet orphelinat où les religieuses étaient attentives sans être démonstratives. Et ça me faisait le plus grand bien, en opposition à une famille où les éclats se produisait quelquefois, où ma mère, naturellement très malheureuse, utilisait ce malheur. Tandis que là, dans cet orphelinat, il y avait une discipline, mais non seulement, enfin moins, plus qu'une discipline, il y avait un rythme, une régularité bienfaisante pour moi. J'oubliais de dire aussi qu'en plus de ces lumières scintillantes dans la chapelle le soir, il y avait probablement, je dis probablement parce que je n'en suis pas sûr maintenant, mais il y avait probablement, tout à fait dans l'ombre, au loin, la présence plus ou moins ressentie de ma mère, que je ne pouvais pas encore intellectuellement me représenter comme malheureuse et souffrante. C'est beaucoup plus tard que j'ai compris cela. Et alors cette mère était une mère que je pouvais imaginer selon un souvenir, mais qui n'avait pas la réalité de ma mère comme si elle avait été là, c'est-à-dire avec cette tendresse mêlée du reproche, peut-être, qu'elle ne se faisait peut-être pas, mais qu'elle s'entendait adresser dans une sorte de tumulte familial, et qui venait contredire, s'opposer à une tendresse qui se serait tout simplement épanchée. Et alors, en effet, c'est ça, tu parlais de ce scrupule que j'avais dans cet orphelinat, et c'est vrai. Il y a un détail dont je me souviens, et que je n'aime pas tellement révéler, mais puisque tu m'y incites, c'est parce que c'est un détail éminemment édifiant. On peut pas, en écoutant le récit, ne pas se dire « Oh, la bonne petite nature !» Enfin, on m'avait bien précisé que, pour communier, c'était donc là que j'ai fait ma première communion privée, j'avais par conséquent 7 ans, je devais être là depuis 18 mois à peu près, on m'avait bien précisé qu'il fallait arriver à jeun, à la table de communion. La messe était une messe du matin, ça va sans dire. À jeun, ça voulait dire ne pas prendre le petit déjeuner, ne pas prendre de pain, ne pas prendre de confiture. Non. Mais moi, pour moi, à jeun, c'était ne rien déglutir, même la salive. Et je ne peux pas assurer aujourd'hui que je n'ai pas dormi. Mais j'ai fait tout ce que j'ai pu pour ne pas dormir, ou peut-être même ne me suis-je réveillé que très tôt, mais je peux vraiment dire que je me vois dans mon lit, dans mes draps, n'est-ce pas, la tête comme ça contre le traversin, cracher. dans un mouchoir, constamment, la salive qui, bien sûr, se produisait. De sorte que je suis arrivé hors avec de péché. Je suis arrivé la gueule en feu à la chapelle. J'ai communié dans cet état-là, si tu veux. C'est un peu plus tard que tu rentres chez les oratoriens, que tu es pensionnaire chez les oratoriens à Paris. Oui, ce n'est pas beaucoup plus tard. Je suis rentré, en effet, à Paris. Je ne me souviens plus de mon retour, mais j'ai été placé chez les oratoriens dans un collège qui est Rocroi Saint-Léon, rue du Faubourg-Poissonnière, où je suis resté pendant quelques temps. Marquais-tu déjà ou non un don particulier ? Je veux dire, avais-tu quelque chose qui ressemble à une vocation ? Je me souviens de certaines amies de ma mère qui s'extasiaient sur des dessins que je faisais, mais peut-être ne s'extasiaient-elles que par un désir de compenser une situation où elles sentaient que j'étais un petit enfant un peu condamné à la solitude, qui n'était là que pendant les vacances, et peut-être qu'il y avait de leur part une intention de cet ordre-là. Mais il est vrai, en tout cas, aujourd'hui, que c'est la peinture et l'architecture qui orientent mes dernières énergies. Le milieu dans lequel tu vivais à ce moment-là était-il ouvert aux choses de la peinture, aux choses de l'art en général ? Non, pas du tout. Pas du tout. Ni mon père adoptif, ni ma mère ne savaient ce que c'était qu'un tableau, qu'un dessin. Ils n'allaient pas au théâtre, ils ne lisaient pas. Ils appartenaient à ce milieu où un certain vocabulaire prétentieux, de classe, tenait lieu, en somme, de toute culture. Et ils n'avaient pas de curiosité, ils n'avaient pas d'élan. C'était étonnant, vide, complet. Ils vivaient dans l'histoire. Je crois me souvenir que tu à leur sujet, une fois évoqué les chouans. Oui, on me parlait, bien entendu, ma famille, surtout maternelle, était monarchiste. Il était question de Louis-Philippe Robert, si je ne me trompe, duc d'Orléans, etc., qui aurait pu devenir roi de France. Et quand on me demandait qui j'étais, on m'avait appris à répondre, je suis un petit chouan, parce que j'étais breton, et parce que les chouans, n'est-ce pas, défendaient l'Église, le roi, etc. On me disait aussi que je prétendais, quand on me demandait ce que je voulais faire plus tard, que je serais marin. Et pourquoi ne l'es-tu pas devenu ? Oh, je n'ai rien fait pour devenir marin. Et de marin, alors, on s'amusait à dire que je deviendrais naturellement amiral, et de amiral, on a fait mi, de sorte que on m'a longtemps appelé mi. Et j'ai encore une très très très très très vieille cousine qui m'a un petit peu élevé et qui m'appelle mi, qui me dit bonjour le mi, comment vas-tu? Mais maintenant, n'est-ce pas, je suis tenté de faire un sauvage raisonnement psychanalytique, si tu veux, enfin, dire que petit que je voulais être marin, c'était aussi rejoindre la mer. Mm-hmm. C'était aller sur la mer, n'est-ce pas ? Les hommes à la mer, un homme à la mer. Un homme à la mer est en effet un homme perdu. Un homme qui est à la mer est un homme qui n'a pas de père, c'était bien mon cas. C'est un homme qui n'est jamais un homme. C'est évidemment succinct et très généralisé que de dire que tous les marins parce que tu as la chance d'être français, parce que si tu étais anglais ou italien, même à la mer, tu n'aurais aucune chance. Mare madre. Même si les mots ne correspondent pas, la mère génitrice maternelle, et puis la mère océane, c'est bien la mère imaginée. par le petit enfant. Et cela m'amène à penser que, à propos de ce père absent, beaucoup plus tard, après avoir lu un livre du docteur René Laforgue, ce livre étant L'échec de Baudelaire, j'avais éprouvé le besoin d'aller, une urgence, toujours remise, toujours retardée, une sorte d'impérieuse occasion d'aller voir l'auteur de ce livre. Et en effet, j'ai réussi à trouver son adresse, je suis allé le voir. C'est à propos de la mère, pas d'attachement à la mère et du père absent. Et Laforgue est arrivé dans son bureau où on m'avait fait entrer. Et puis nous avons parlé. Et à un moment donné, j'ai répondu à je ne sais quelle parole de sa part. J'ai répondu, ce n'est pas le père où. Et aussitôt, il m'a dit, vous voyez, vous cherchez votre père. Le père où? Laforgue avait eu des ennuis, je crois, après la libération. Il était de naissance allemande. Il est né en Alsace allemande. Et puis, il est devenu français, étant tout jeune étudiant. C'est une des conditions qui ont fait qu'il a pu si facilement être en relation avec Freud à Vienne. Et puis, Laforgue, qui était le fils d'un marchand de chaussures d'un petit village d'Alsace, est donc devenu français avec tous les Alsaciens à la victoire de 18, n'est-ce pas? Alors, quand les Allemands sont arrivés en France, on peut probablement dire, moi je ne me permettrai pas de l'affirmer, mais on peut probablement dire que Laforgue a souhaité, parce que il avait une ambition incommensurable, mais c'était un homme de dévouement, c'était un homme débordant de vitalité, généreux, et même certainement dans des occasions importantes, désintéressés. Mais toujours est-il que il aurait voulu jouer un grand rôle. Il aurait souhaité avoir des disciples. Et il m'avait, moi, poussé à faire de la psychanalyse pour me former à sa pensée, à ses conceptions. Je crois qu'il a cru qu'il pouvait jouer un rôle, alors que les Allemands occupaient pratiquement toute la France, parce que la France divisée par l'occupation, c'était un leurre, n'est-ce pas? C'était un... Et en effet, comprenant bien l'Allemagne, étant né dans un climat allemand, enfin dans un climat allemand, français, alsacien, mais de langue allemande, de culture, d'influence allemande tout au moins, et ensuite vivant en France et devenu français, il a probablement pensé qu'il pouvait rendre de très grands services en étant intermédiaire entre l'occupant. Et puis, les Français, il était à cette époque-là marié à la fille du comte Clausel, ambassadeur de France. Il n'est pas permis, n'est-ce pas, de soupçonner un millième de seconde qu'il ait pu, pour un intérêt personnel, tirer à lui une couverture qui n'aurait pas été tricolore française. Mais il a peut-être pensé à ça. Et c'est sans doute ce qui a fait qu'il est passé en jugement, en effet. Et j'ai témoigné au cours de ce que ça a été un procès. Enfin, il a tout de suite été acquitté, n'est-ce pas? C'était le premier des 5 entretiens avec Alain Cuny au micro de Fernand Schulman, diffusé la première fois le 5 janvier 1976 sur France Culture. À suivre. Téléchargement et réécoute à la page des nuits sur le site franceculture.fr.